Ce soir il semble qu'en ce monde tout repose, que rien ne tremble, que mes pensées restent closes. Seul pour le dire, à l'heure où les ombres s'étendent, seul pour décrire, seul pour accomplir ce geste comme offrande. À nos vies lointaines, à nos errances humaines, à nos âmes en peine, amour aux larmes vaines. Je dois attendre une tiédeur, une âme pure. Seul pour comprendre, à l'heure où les ombres descendent, seul à parler, seul à témoigner devant l'éternité.